Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul et en ligne sur KFAI.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Et vous pouvez nous contacter au 612 341 0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.2 FM, Minneapolis-Saint-Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Freddy. Comment ça va? Eh bien, ça va très bien. Et toi? Ben, moi aussi. Yeah, the weather is pretty nice and accommodating, okay. So I can't really complain. Me neither. So that's why. Well, I mean, I always can because we're French. Oh, yeah, you're French and we complain about it. But no. It's September and it's too warm. Yeah, I think so too. Yeah. But this morning it was a little bit chilly though. Yes. It was 58. That was too chilly. Yeah. So. What is going to be like in the 40s later this week, I think. Yeah, I think it's going to go down. Yeah. Last week we played a playlist about la rentrée, back to school and school in general. And most of the kids did it today. Mm-hmm. So now, to counterbalance that, we're going to play music about voyage. Ah, très bien. Travels and things like that. Mm-hmm. So that's going to make us dream while we are going back to the turf. And the kids too. And we're going to listen to several songs and we're going to talk about the events and stuff like that. So what's the first series? Well, I'm getting there. I'm just like trying to get the things going. So the first song we're going to listen to is Voyage Libre, of Free Travels. And it's Thievery Corporation. And Thievery Corporation is going to be in the Twin Cities, like in a week or two. I think it's the 26th, I'm not sure. They are mainly singing in English. I mean, they are originally from DC. But some of the singers, I mean, I think one of the women for sure is singing in French. And that's one of their rare songs in French. They have like just a couple. I mean, most of the rest is in English. It's mostly like acid jazz and pretty cool tempo. Oh, cool. Then we're going to listen to Charlotte Gainsbourg with Voyage. And then Lily Club with Voyage en Italie. I love that song. All right, and we'll be back and we'll talk about other things. On super, y va? Super, c'est parti mon petit titi. faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins, dans ton automobile, tous les deux on sera bien. Et dans le ciel il y aura des étoiles et du soleil quand on mettra les voiles. S'en aller tous les deux dans le sud de l'Italie et voir la vie en bleu, tout jouer sur un pari. Toute la nuit danser le calypso dans un dancing avec vue sur l'Arno. Au milieu de la nuit, un catinini et va la nave. Et aller prendre un bain sur une plage à Capri, voir sur ta peau le soleil se lever, à la Madone envoyer des baisers. Au milieu de la nuit, en catimini, et va la nave et va la douce vie, on s'en ira. Et voilà, back. And we, you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI. Exactly. And we listened to three songs. Yeah. So the first song was from the band Thievery Corporation with Voyage Libre. And it was featuring Lulu Gelshkani. And it's from their album Treasure from the Temple from 2018. And as I was saying, they are going to be in town soon, so... On the 26th at First Ave. Yeah, so if you want to take advantage of it, check out, check them out, like on Facebook or even on the site, the First Ave, you know, they often have like YouTube videos and things like that, and they are pretty cool. I mean, it, acid jazz, cool tempo, electronic, and I got like one of the members has done like two solo EPs, and I got them, and they are pretty good. Oh, cool! Yeah, yeah. So that was the first. That was the first track. Then we had Charlotte Gainsbourg with Voyage from her album IRM, IRM from 2009. Which means MRI. Yeah. And Lily Club with Lily Cub with Voyage en Italie. So that was pretty nice. And we're going to keep on going. So I talk about Thievery Corporation. One of the things, did we talk last week about the 24 hours of Frenchness? Yeah. I need still to find out where the it's archive, gonna be stored. Yeah. If it's gonna be archived somewhere. If not, I'm gonna put it to archive.org, but this week has been very, very busy. So it'll come progressively. But if you follow French influencers on Facebook, I will post for sure. Mm-hmm. Probably also on Bonjour Minnesota, that it is on archive.org. Mm-hmm. And I won't do like a 24-hour file. It'll be like broken down in at least in a maximum of 2 hours. Yeah. So should be okay. Yeah. And we're going to keep on going with our playlist about voyage, travel, adventure, and things like that. We're going to listen to Nash with À l'autre bout du monde, mm-hmm. on the other side of the earth, the of the world. Then Charlotte Rampling with Assez voyagé. Oh. She traveled enough, mm-hmm. so she's talking about a lot of country or cities that she visited. And then Les Zut, and it's a small one, it's called C'est quand qu'on arrive. Mm-hmm. And that's the terrific phrase that all kids... Are we there yet? Are we there yet, yeah. So that's a funny one. On est bientôt arrivé. Yeah. All right. Et bien c'est parti. Si jalouse d'Atlanta et de son blues. Los Angeles, voilà, je n'irai pas. Rio, ce sera sans doute sans moi. Le Caire, c'était tellement mieux hier. Et Tanger, beaucoup trop de lumière. Lisbonne, à quoi bon sans personne? New York serait mieux en automne. Athènes, pas la peine sans amour. Et Bruges, on a vite fait le tour. Assez voyagé, j'ai vu le monde entier. Nul besoin d'aller ailleurs. J'aime rester immobile, là-bas sur les toits de ma ville. Les trains, les bateaux, les avions m'ont déjà eu pour passagère. Si c'était à refaire, je ne bougerais pas d'un pouce. Une rue pour évasion. Montréal, un froid de fantôme. Et Alger, on n'y croise que des hommes. Venise pour retomber à l'eau. Amsterdam est fumé à nouveau. Beyrouth, c'est dommage, trop tard. Kaboul, mais où sont les femmes? Dubaï, que pourrais-je y faire? Et Fukushima, un peu nucléaire. Assez voyagé, j'ai vu le monde entier. Nul besoin d'aller ailleurs, j'aime rester immobile, là-bas sur les toits de ma ville. Les trains, les bateaux, les avions m'ont déjà eu pour passagère. Si c'était à refaire, je ne bougerais pas d'un pouce. Une rue pour évasion. Sous la pluie, à noyer mon ennui. Je suis parti pour rester à Saint-Germain-des-Prés, au plafond des ciels blancs. Je m'endors en rêvant de ciel bleu océan. De ciel bleu océan. Ça n'en finit pas. Oh là là là là, c'est quand qu'on arrive. Oh là là là là, c'est quand qu'on arrive. Les transports en commun ne sont plus ce qu'ils étaient. On a froid en hiver et trop chaud en été. J'aurais dû prendre le train, c'est bien plus confortable. Ce bus avec ses bosses, ce n'est plus supportable. Oh là là là là, c'est quand qu'on arrive. Mais c'est pas vrai. Oh là là là là, c'est quand qu'on arrive. Mais t'en as, ils sont jamais contents. Oh là là là là, c'est quand qu'on arrive. Mais c'est ça les voyages. Oh là là là là. Mais qu'est-ce qu'il a? KFAI is proud to present La Dama and Las Guaracheras at the Cedar Cultural Center on Saturday, September 14th. The Cedar kicks off National Hispanic Heritage Month with an incredible co-bill of South American groups, La Dama and Las Guaracheras, featuring Afro-Latin and folkloric music performed by an all-women lineup. Tickets for La Dama and Las Guaracheras can be found at the Cedar Cultural Center website. Visit thecedar.org for more details. Et voilà, voilà, we are back. You're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. This is Freddy. And Romain. And we just listened to three more songs about travel. Yeah, Nash voyage. With À l'autre bout du monde. And it's from her album L'Aventure. And then Charlotte Rampling with Assez voyagé. And it's from her album De l'amour, mais quelle drôle d'idée. Love, but what a silly idea, I guess. And it's from 2022, and she's not a singer. I mean, she's more of an actress. So. I don't know if it's her first album or if she's done some before, but she's more known for being an actress, Charlotte Rampling. And then it was a quick song from Les Ut with C'est quand qu'on arrive? Are we there yet? And Charlotte Rampling is Jean-Michel Jarre's wife. Oh, I didn't know that. I didn't remember. Yeah, but she's half British too. She's British, I believe. Yeah, Okay. But she did most of her career in France. But she also there was a when was it like in November? Yeah. I think there was a retrospective mm-hmm. at the Trilon. Yeah, that's mm-hmm. true. So Trilon, which is a cinema in the Twin Cities that mm-hmm. is independent and often do like some retrospective from directors or actors or you know yep. whatever they want. Mm-hmm. So we're going to keep on listening to Les Zut, and now it's their full song Dans le Blablabus, which is from their album Blablabus. Blabla is like blah, blah, blah, and bus is bus. mm-hmm. It's because people talk a lot in the bus. And then we're going to listen to Françoise Hardy with Puisque vous partez en voyage, and it's a duo with her husband, Jacques Dutronc. Oui. And then Michel Polnareff with Tous les bateaux, tous les oiseaux. And it's from Polnareff at Tokyo mm-hmm. from 1972. That was a good year. Yeah. Yeah. All right. I wonder why. Yeah, why? Mm-hmm. Not because of wine. On y va. C'est parti. Dans le blablabus, sans même faire de pause. Dans le blablabus, les mots s'amusent. Dans le blablabus. Dans le blablabus, tout le monde se cause. Dans le blablabus, sans même faire de pause. Dans le blablabus, les idées fusent. Dans le blablabus. Si tu veux monter dedans, pas de problème. Un petit signe de la main suffit. T'as pas de ticket, tu montes quand même. C'est pas le même système ici. Non, non, non. C'est pas le même système ici. Eh oui. Dans le blablabus, tout le monde se cause. Dans le blablabus, sans même faire de pause. Dans le blablabus, les mots s'amusent. Dans le blablabus. Dans le blablabus, tout le monde se cause. Dans le blablabus, sans même faire de pause. Dans le blablabus, les idées fusent. Dans le blablabus. Tu peux t'asseoir où tu veux, comme tu aimes. Comme tu aimes. Ici tout le monde est bien reçu. Amène une chanson, une histoire, un poème. Ce que tu donnes est bienvenu. Tout ce que tu donnes est bienvenu. Bienvenue dans le blablabus. Et comment tut, tu t'appelles. Et dis-moi tut, tu vas bien. Et qu'est-ce que tut, tu nous racontes. Ici chaque mot trouve toujours une oreille. Qu'il y ait du soleil ou des cumulus. Des cumulonimbus ou bien des stratus. Un clin d'œil, un sourire comme une étincelle. Pas de terminus pour le blablabus. Pour le blablabus, pas de terminus. Dans le blablabus. Dans le blablabus. Dans le blablabus. Dans le blablabus. Dans le blablabus. Tout le monde se cause. Dans le blablabus. Sans même faire de pause. Dans le blablabus. Les idées fusent. Dans le blablabus. Yeah, yeah, yeah, yeah. Dans le blablabus. Tout le monde se cause. Dans le blablabus. Sans même faire de pause. Dans le blablabus. Les mots s'amusent. Dans le blablabus. Blablabus, blablabus, blablabus, blablabus.

pleure pas, oh mon amour, viens. Il y a des voix sur les étoiles, oh mon enfant, mon inconnu, je t'ai trouvé dans cette rue. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils. Je t'apprendrai le bruit des villes, le nom des îles, petite fille de ma rue. Tu n'as jamais vu les goélands et les images de l'aurore, quand l'océan n'est pas encore un paysage. Et voilà, we're back. Bonjour Minnesota, on KFAI, and we just listened to three songs still about traveling and voyage. Yeah, so the first one was from the band called Les Utes, Dans le Blablabus. And after that, it was Françoise Hardy with Jacques Dutronc, Puisque vous partez en voyage, because you're going to travel. And Michel Polnareff, Tous les bateaux, tous les oiseaux, All the boats, all the birds. And he was alive in Tokyo in 1972. And we're going to keep on going like that with, you know, songs about traveling and adventure and things like that. So the first one we're going to listen to is from Cecilia Cara. And the name of the song is C'est un voyage. Mm-hmm. It's a trip. It's from her album Paris-Bogota. And then Julien Clerc with Partir, Leaving. And then Yannick Noah with Compagnons de Voyage. Très bien. Traveling Companions. Mm-hmm. On y va? C'est parti, mon petit kiki. Le tableau de ma vie est en fleurs. À chaque histoire, ses propres couleurs. Elle se trouble selon les heures. Ce roman dont on ne connaît pas la fin, de page en page et du soir au matin, je le vis à bras le cœur. C'est un voyage, c'est la vie comptée dans nos livres d'images. On laisse à

compagnon de voyage. Oublions le temps, mais gardons dans nos bagages nos espoirs d'avant. Quand on brûlait la route sous nos pas de loup, malgré l'ombre et les doutes, libre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Compagnon de voyage, oublions le temps, nos liens passent les âges, mieux que ceux du sang. Plus d'arrêt aux frontières, au fil de nos rêves, ni trêve. C'est de là qu'on renaît toujours, compagnon, compagnon de voyage. Et c'est là qu'on revient toujours, compagnon. C'est de là qu'on renaît toujours. C'est de là. Toujours. Oui, c'est là qu'on revient, compagnon. C'est là qu'on revient toujours, compagnon. KFAI is proud to present Zulu at Amsterdam Bar and Hall on Monday, September 23rd. Known for their blend of hardcore and power violence, Zulu is pushing the boundaries of those sounds into new territories on their latest album, A New Tomorrow. After spending months toying with different instrumentation and samples and pulling influences ranging from reggae to death metal, the result is an eclectic 15 tracks. Opening the show are local acts Kill Us Online, Identity Crisis, and Riot Girl Darko. Tickets for Zulu can be found at First Avenue website. Visit first-avenue.com for more details. Et voilà, voilà. Voilà, we're back, and you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI, and it is 8:53. Yeah, and we listened to Cecilia Cara with C'est un voyage. Then, after that, it was Julien Clerc with Partir, which is pretty famous in France. Ah oui. And mm-hmm. lasted a long time, I mean, still being listened to. Oh, Julien Clerc. Yeah, oh, I mean, Julien Clerc, but this song. Oh, well, the song, oh yes. It's one of the classics. Mm-hmm. And Yannick Noah with Compagnon de Voyage, and it's from his album La Marfée from 2022. Mm-hmm. Oh, pretty nice. And we're going to keep on going. We're going to listen to Claude Dubois. So we're still listening to Travel, Trips, Adventure. Claude Dubois with En Voyage from 1989. And Claude Dubois was in the original Starmania cast. Oh, was he? Mm-hmm. I didn't know. He was Zero Janvier, the blues du businessman. Okay. That was him. Oh, nice. Mm-hmm. No, I didn't know at all. Mm-hmm. I thought it was just from the woods. Yeah, non. Because Dubois. Yeah. Then, il travaille avec Gilles Boulot. And Gérard Manset with Il Voyage en Solitaire. Mm-hmm. He's traveling by himself. And Charles Trenet with Je fais la course avec le train. I'm racing the train. Yeah. All right. Eh ben, c'est parti. On y va. C'est facile pour toi de faire la Dalidou. De commentaires pendant des journées entières. Il chante la terre, mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire tour de l'autre côté d'une vie où il n'y avait pas de place pour se garer. Il voyage en solitaire et nul ne l'oblige à se taire. Il sait ce qu'il a à faire. Il chante la terre. Il reste le seul volontaire. Puisqu'il n'a plus rien à faire, plus fort qu'une armée entière, il chante la terre, mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire tout l'autre côté d'une vie où il n'y avait pas de place pour se garder. Et voilà le miracle en somme. C'est lorsque sa chanson est bonne. Car c'est pour la joie qu'elle lui donne qu'il chante. J'aime les passages à niveau et leurs maisons sous le lierre. J'aime cueillir des coquelicots sur la bouffe des gardes-barrières. J'aime les disques, les signaux et les poteaux télégraphiques. Et quand je suis sur mon vélo dans la campagne magnifique, je fais la course avec le train. Pour ça, je me lève de bon matin. Je vois des visages ensommeillés que le petit jour a réveillés. Tous ces visages sont mes amis. Leurs yeux me parlent de Paris et gentiment leur sourit. Je leur souris beaucoup, beaucoup. J'oublie la route et tout à coup, je me casse le nez sur un caillou. Je fais la course avec le train. Oui, mais le train est déjà loin. Il fait la course avec le train. Il fait la course avec le train. Thank you. la course avec le train. Et j'ai compris soudain que je courais après l'amour, après le bonheur, depuis toujours. J'attends un cœur, deux yeux aussi, deux yeux d'ailleurs ou bien d'ici. Ils me diront, oui, nous voici. Montez, montez, diront les mains, montez aujourd'hui ou demain pour les trouver sur mon chemin. Je fais la course avec le train et c'est un beau voyage sans fin. Un beau voyage sans fin, sans fin. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul et en ligne sur KFAI.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis, Saint-Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Et voilà, so we just listened to three songs. Yes. And the three songs were Claude Dubois with En Voyage, Gérard Manset with Il voyage en solitaire, and Charles Trenet with Je fais la course avec le train. And I remind you that KFAI is a listener-supported radio, so your contribution is always welcomed. And next week, Pledge Drive is starting. Is it already? I think it's Thursday. Wow. Yeah. So this Tuesday after that, we're probably going to do a special show. I think so. And we'll see what we do. Mm-hmm. I mean, sometimes we do things like about money. I think one time I did things with like the best of or the best success or things like that. So we'll see. We'll see what we do. Yeah, Thursday, September 12th. Okay. That's early this year. Mm-hmm. Compared to, I mean, yes, usually it's a little later. It's more like October or something. Yeah. But there was no pledge drive during the summer. That is true. So. Nor last year, though. Yeah, I know. So we're going to talk a little bit about the events happening in the Twin Cities on Thursday at 6 p.m. Steel exposition by Marie-Jo Hoffman, and it's going to be at the Alliance Française, afmsp.org if you want some more specific, but it starts at 6 p.m. And it's an exhibit that's going to be there the whole month at the Alliance Française when they are open. But on that date, you're going to be able to meet with the artist. So that's pretty nice. She's an artist and photographer renowned for her unique and personal engagement with the natural world around her, primarily in North America, Great Lakes, bioregion, and the iconic scrubland of Mediterranean France. And yeah. So that's this coming Thursday at 6 p.m. at the Alliance Française. Then on the 7th, Saturday, between 9:30 and 11:30, there's going to be the petit déj, and it's also at the Alliance Française. So the Alliance Française is at 227 Cofax Avenue North in Minneapolis. And it's a French conversation group. It's very casual. They usually have coffee and goodies, pastries or bread and things like that. There's also a coffee shop where you can get other kind of drinks if you wish to. But it's a good way to meet French speakers and to speak or to listen. It's really up to you. Then just after the petit déj at 1 p.m., there's going to be the fall open house at the Alliance Française. So still the same address. Yeah. And yeah, it doesn't change during the day. No, the address doesn't change. And it's from 1 to 3, and there's going to be a lot of activities. So you can explore the new French and cooking classes from September through November, shop for French and Francophone gift in La Boutique. There's going to be the cafe, and there's going to be some, don't they give also... sample classes, placement tests. Yeah, placement tests, so you can see... And you can also meet the board. Yeah. I'll be there from 2 to 3 at the board table. Okay, good to know. Yeah. I might go on Saturday morning, actually, because Dana contacted me. And she said she wanted to catch up. And she met Frenchie. Oh, really? Yeah. And he's a lawyer. Oh, well, too, so. Nobody's perfect. Well, you know something about it, right? I know. That's why otherwise I wouldn't dare or say something like that. No, I still make fun of lawyers without being one. Mm-hmm. On Sunday, between 2 and 3:30 p.m., in Rochester, there's a petit cafe in Rochester. And, yeah, so September 8th, it's also led by the Alliance Française, so you can get some specifics at the afmsp.org website. But otherwise, it's at 1811 2nd Street Southwest in Rochester. And that sounds very nice. It's Lily Le Tourneau at the Café Acquis, who's leading the French conversation group. And what else is next? Tuesday, September 10th, so from 6 to 8, also at the Alliance Française, so 227 Colfax Avenue North, Little Wine Class, Petit Cours d'Onologie sur Fond d'Art. So it's a wine class, and it's there's a different price whether you're a member of the Alliance Française or not, and you have to... you have until Monday, September 9th to register. And of course, the place are, there's a limited size of places. So that should be very nice. So check it out, afmsp.org. And then on Thursday, September 12th, a season for that, it's a book presentation by Steve Hoffman with special guest, Chef Vincent Francoil. We know that guy, right? Yeah, a little bit. He has a restaurant, I think, called Chez Chloé, like your daughter's name. Do you mm-hmm. think he was an odd to your daughter? Or maybe his? His. Yeah, his. Yeah. And actually, my daughter is that Chloé's tutor and babysitter. Cool. So they get along. That's good. Yeah. So also at the Alliance Française. So... yeah, a season for that, Lost and Found in the Other Southern France, from Steve Hoffman. And that's all for now for the events. More is coming, so feel free to go on our Facebook page first to follow us. So when we push some posts, we push them like because they are French events about France or French or Francophone. In general, whether it's movies or even from the Alliance Française, art, whatsoever. And yeah, and for the show also, if you want to know when the show is or when the show is posted online, that sort of things, we post that. And we don't push, like, I don't do the ad followers where mm-hmm. like everybody's getting it's getting called on and stuff like that. I'm pretty annoyed myself by that. So... All right, I think that's it. That's it for now. There's going to be more events, especially from the French American Foundation, Heritage Foundation, and they have an event that's a little bit different than usual. It's Next Gen. Yeah, that sounds great. And I think I'm going to go. It's on September 19th. I'd be teaching at that time. Yeah, it's at 5 p.m. and it's at Millie's Wine Bar and Bistro in downtown Minneapolis, but. It's on Washington. It's very close to our studio, actually. Yeah, it's close to 35 W on Washington. So that should be very nice. I got contacted by Katie, and she was asking suggestion about music. So we'll probably be in touch about, you know, having some French-Canadian music. So, all right. And we're going to go back to music. So we're going to listen to the song that you asked me about, Romain, Nicolas Perrac, with Je Pars. Then we're going to listen to Les Charts with Jeune Voyageur. Okay. Because there was also Je M'envole at The Charts. But Jeune Voyageur was the one coming up. And Je M'envole, I think we played it, I mean, not that long ago. Mm-hmm. But I thought, well, let's put this one. And Chart is the band where Calogero started. Yeah, and he had long, curly hair at the time. Did he? Yeah. He has no hair now, right? Nope. And Juliette Armanet with La Carte Postale. Ah oui. All right, on y va? Eh ben, on y va.

la pluie va effacer des questions sans importance, graffiti délavé. Je ne voyage, laissé là par hasard, peut-être par erreur. Toi et moi sur la terre, je ne voyage. Dans la tête, plein de rêves, illusions en couleur. C'est la chanson qui porte le nom de notre premier album, L'Océan sans fond. Je t'écris, c'est moi, il est dans mon corps, j'ai rêvé si fort, le papier sous mes doigts. Et voilà, voilà. Et voilà, voilà. And you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. With Freddy. And Romain. And we are listening to songs on a very cool theme. Traveling. Yeah, voyage. Voyage, Freaks. Voyage. Yeah. I don't know if I have that song on it. I think I'm... No, I skipped it. I had six versions of it. At least six or eight versions of it. And I Desireless? What, Desireless and other people. And who sang, okay. Some remix versions and something like that. But I didn't even put one for tonight. So maybe another time. Okay. We just listened to Nicolas Perrac with Je pars, I'm leaving. Then after that, it was Les Charts with Jeune Voyageur. Mm-hmm. And then just now was Juliette Armanet with La Carte Postale. Super. Which I j'aime bien. Like. Yeah, me too. We're going to keep on listening with this theme. Ben oui. We're going to listen to Les Charbonniers de l'Enfer. Oh. They're Québécois. Mm-hmm. And they have a version of Le Vent nous portera, originally from Noir Désir. Oui. Quite rock and folk, mm-hmm. a little bit, and this version is very acoustic. Mm-hmm. And they use like spoons and, you know. Oh, cool. Yeah, yeah. Feet tapping. Yeah. Guimbarde. So. Yeah. Yeah. And Gilbert Bécaud with L'Aventure. Mm-hmm. And then Nash again with L'Aventure. Très bien. All right, on y va? Eh bien, c'est parti. Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on écoute les méandres au creux des reins, et tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ourse, c'est la trajectoire de la course à l'instantané de velours, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra, le vent nous portera. La caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, d'hier et demain. Le vent les portera. Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies et mon tapis volant, lui. Le vent l'emportera, tout disparaîtra, le vent nous portera. Ce parfum de nos années mortes, ceux qui peuvent frapper à ta porte, infinité de destins, on en pose un, qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera. Pendant que la marée monte et que chacun refait ses comptes, j'emmène au creux de mon ombre des poussières de toi. Le vent les portera, tout disparaîtra, le vent nous portera. je n'avais plus rien à rêver. Je n'avais plus rien à chanter. Quand tu es venu m'apporter, toi, l'aventure. J'avais organisé ma vie. J'étais bon père et bon mari aussi. C'était classé, c'était fini, fini. L'aventure. Oui, j'avais le dos au mur. Oui, j'avais besoin d'air pur. Bien sûr, je ne cherchais pas, mais j'étais prêt à n'importe quoi. Et voilà qu'un coup de printemps m'a réveillé au bon moment. Je l'ai mordu à pleines dents, ouais, l'aventure. On ne peut pas tomber plus bas. Souvent, je suis rentré chez moi en espérant que ça se voit sur moi, l'aventure. Et voilà, on m'aimait bien. On a fait semblant de rien, comme s'il était naturel que je me paye un joujou pareil. Maintenant, tout est comme avant, et je suis rentré dans le rang. Quand j'entends chanter le vent, j'entends l'aventure. Si j'avais un bateau, je partirais loin d'ici, je partirais loin de là. Je mettrai les voiles, j'irai comme l'oiseau, parcourir la vie, découvrir ma voie, décrocher mon étoile. Qu'importe si je me perds, quand le ciel s'éteint, moi, j'avance bercé par l'univers, plus rien ne me retient. Je pars à l'aventure, je laisse tout derrière moi, je pars. Soyez-en sûr, cette fois, même si ici tout me retient, même si dehors tout me fait peur, je pars à l'aventure. Si j'en avais la force, je crierais haut et fort. Au sommet des montagnes, tout ce que j'ai au fond. Si j'en avais le cran, j'échangerais mon sort contre l'air qui soigne. Je quitterais ma maison, qu'importe si je me traîne, si le voyage est long. J'avance si le manque me peine, si je perds la raison. Je pars à la aventure. Et voilà. Voilà, voilà, we are back. And we listen to three songs. Indeed. The first song was Les Charbonniers de l'Enfer, with Le Vent nous portera, which is a cover from Noir Désir. Mm-hmm. Then Gilbert Bécaud with L'Aventure, and just now it was Nash. Oui. With L'Aventure. And Nash is the sister of... M. Mathieu Chédid. And the daughter of Louis Chédid. And the granddaughter of André Chédid. Okay. No, she's a... No, I totally believe you. No, I'm not going to fact check you. No, no, André Chédid is a writer and poetess. Okay. Whose son is Louis Chédid, and grandkids are Nash. Mm-hmm. And so it's a... I think it runs in the family. Yeah, I think so too. Mm-hmm. Yeah, I would say so. All right. Well, thank you for this family affair. Yeah, mm-hmm. I can post on our Facebook and Instagram page, you know, like a, you know, their family tree. Yeah. Mm-hmm. That's pretty cool. Yeah. All right. Well, we're going to keep on listening to music until the end of the show, which is going to happen, unfortunately. But yeah. It has but to. But we'll be back next week. Yeah. Yeah. Yeah. It has to, because otherwise we have the jobs and families. And yeah. Yeah. Lives, maybe. Yeah. I've heard some of us do. Yeah. Mm-hmm. But we'll be there until 10 o'clock. And after that, it's going to be Balkan Jamboree. Mm-hmm. And so we're going to listen to Liane Folie with L'Allée sans retour from her album Caméléon from 1997. Aller-retour is like... It's a one-way ticket, basically. Aller sans retour means, it's a one-way ticket, but... Without the return. Yeah, it's like the way to go without coming back. And Johnny Hallyday with L'Aventure, c'est l'aventure. Which is the soundtrack to the movie with the same name, L'Aventure, mm-hmm. c'est l'aventure by Claude Lelouch. Right. And Coralie Clément with Le Dernier Train, the Last Train. Mm-hmm. And it's from her album La Salle des Pas Perdus. I like that. Yeah. It's from 2002. Salle des Pas Perdus, it's the waiting room, pretty much in a train station. Yep. But the name of it is funny. I mean, it's mm-hmm. salle is a room, yeah. And des pas perdus, it's the last or the step. Wasted steps when you lost or wasted steps and when you have nothing better to do. So the first time I heard that expression or that name was in Amélie. Oh, really? Yeah, because that's where she meets. Who does she meet there? I think so. Because that's... Or she goes and tries to figure out who's the... the guy, the ghost. Yeah, yeah. And it's in the Salle des Pas Perdus. Yeah. Okay. Uh-huh. I think I heard about it from my grandma when we were going in Corrèze, but I'm not sure. You know, maybe I heard it and unconsciously came back with Amélie. Yeah. Maybe. I don't know. All right. Should we go? Eh bien, c'est parti. Grave, non, mais c'est pas grave, tu chantes pour nous, tu dis pour nous, pour des hommes, c'est trop grave. J'imagine sur le disque, ces conversations. yeux sur tant de mystères, je voudrais tant à mon tour maintenant te dédier mon plus beau chant d'amour. Dans mes bras, je veux te serrer, car les jours sont bien trop courts. Je te suivrai les yeux fermés sur l'allée sans retour. Tu m'as rempli de tant d'espoir. Lorsque jour après jour je cessais d'y croire, mais le hasard m'a guidé dans le noir. Merci la vie pour ton doux regard. Ah, ah, ah, ah. Minuit. otage et sauvage. L'aventure, elle est là, elle est là, elle est là, des trains dans les gares. J'ai si peur des sentiments. Les mots, c'est du roman. Je n'irai pas plus loin, croyez-le bien. L'amour est sur le déclin. Mais si vous ratez votre dernier train pour m'emmener danser jusqu'au matin, vous dire je t'aime, j'ai peur, je le crains. Je ne le pourrai pas. Ne demandez jamais ma main, ne me donnez pas rendez-vous demain. Vous dire je t'aime, je t'aime, je le crains, je ne le pourrai pas. Des actes manqués quand j'y pense. Je ne conjugue rien au futur lointain. J'ai beau remettre à demain. Les torts c'est pour les absents. C'est la raison du plus offrant. Ce n'est qu'un au revoir, un dernier regard, un amour sur le départ. Mais si vous ratez votre dernier train pour m'emmener danser jusqu'au matin, vous dire je t'aime, j'ai peur, je le crains, je ne le pourrai pas. Ne demandez jamais ma main, ne me donnez pas rendez-vous demain. Vous dire je t'aime, j'ai peur, je le crains, je ne le pourrai pas. Voili, voilou, you're still listening to Bonjour Minnesota. On KFI radio. On KFI, it is 9:52, so in 8 minutes, Nikolai will show up. Yeah, and we're going to, well, we have a good set still. Yeah. So we just listened to Liane Folly with L'Aller sans retour, then Johnny Hallyday with L'Aventure, c'est l'aventure, and Coralie Clément with Le Dernier Train. And now we're going to listen, like, to finish, and we'll be back next week. We're going to listen to Arthur Ashe with Le Destin du Voyageur, the Voyageur Destiny, and it's featuring Jacques Higelin. Who is his dad? Yeah. Mm-hmm. And Paul Persson with Plus Loin d'ici, and Ali Daniel, which I think has a voice very similar to Joe Dassin, with Plus Loin d'ici. Yeah, and what's interesting is that we feature a lot of like music families. We had Shedid, Higelin, Paul Persson is Charlie Couture's brother. Okay. So I didn't know that. Charlie Couture. Yeah. All right. So we'll be back next week. Of course. Every Tuesday, 8 to 10 yeah. p.m. And the Pledge Drive is coming up. So on Thursday. If you can start thinking about supporting us. Start saving. Yeah. You have until Thursday. And Thursday the 12th, actually. Yeah. So that's next week. Yeah. And feel free to follow us on Facebook and Instagram. And feel free to check out our website on bonjourminnesota.com. And we'll be back in the studio next week. And until then, bonne soirée, bonne nuit et bonne semaine. Good night. Au revoir. Au revoir. M'entraîne, m'attendras-tu aussi? les anneaux chics. Un seul signe suffit pour se faire l'éclipse. Loin d'ici, loin d'ici. Le vent m'entraîne, m'attendras-tu aussi? Loin d'ici. Engine du hasard, je devine mon sac. Et en confidence, pas de quoi avoir trac. Plus j'avance, plus je sens.